Au sport, pour le 29 novembre. Au hockey mineur dans la Ligue Simple Lettres Harford-Saint-François. L'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Hockey Expert Sherbrooke 2 à Istengis à 16h15. L'équipe novice B affronte les cantonniers de Magog 2 à 15h, aussi à Istengis. Toujours à la maison, l'équipe Atombe B accueille Métro Plouf Sherbrooke 1 à 17h30. L'équipe Peewee A reçoit Jets Frontières à Istengis à 18h45.